Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, une aventure intellectuelle et amoureuse, Voltaire et Émilie du Châtelet, une leçon de bonheur. Rien n'y fait. En 1734, quand l'histoire que je vais raconter ce soir commence, Voltaire a 40 ans. L'âge, pourrait-on croire, de la sagesse. Il est loin le fils indocile et libertin qui rendait fou son père. Le jeune poète, auteur de vers satiriques sur le régent. Deux séjours à la Bastille et une humiliante bastonnade auraient dû avoir raison de son insolence. La plupart seraient retournés penauds à la niche. Eh bien non, Voltaire, lui, est indomptable, farouchement épris de liberté, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on l'aime. En 1734, donc, la parution de ses lettres philosophiques, véritable manifeste en faveur des Lumières, le remet dans le viseur de la censure royale et le pousse à fuir Paris. L'écrivain trouve refuge en Champagne, au château de Siret, chez celle qu'il aime, Émilie du Châtelet, mathématicienne et physicienne. Dans ce petit paradis, cet homme et cette femme d'exception vont vivre ensemble une relation d'une réjouissante modernité, faite d'amour charnel et de partage intellectuel. Même si la menace d'une arrestation plane toujours au-dessus de lui, et qu'Émilie n'est pas toujours fidèle. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. François Jacob, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Franche-Comté et bon connaisseur de Voltaire. Je dis bon parce que vous m'avez dit que vous n'étiez pas un grand connaisseur, mais un bon connaisseur. Tout à fait. Alors, vous avez été longtemps conservateur de l'Institut et du musée Voltaire de Genève. Et à Voltaire, vous avez consacré une biographie parue il y a 3 ans qui a, je crois, renouvelé l'image de notre philosophe des Lumières qu'on croit très bien connaître. Je dis notre, car avec Voltaire, je trouve qu'il y a une dimension familière. Chaque fois qu'on se replonge dans sa vie, dans ses écrits, on est comme saisi par son énergie communicative, sa vitalité, son esprit libre, frondeur. Vous ressentez ça aussi ? Oh, il y a quelque chose de familier et même peut-on dire quelque chose de familial. D'ailleurs, vous savez qu'on appelle Voltaire à la fin de sa vie le patriarche, celui qui donne à penser à toute une communauté, la communauté nationale, la communauté des gens qui vivent autour de lui à Ferney, la communauté intellectuelle également de tous ceux qui pensent à travers l'Europe. Et donc, c'est une familiarité qui existe toujours. C'est une familiarité qui existe toujours, mais dont il faudrait réinterroger la substance. Le Voltaire que nous aimons aujourd'hui est-il toujours le Voltaire du XVIIIe siècle ? Et le Voltaire des textes. Le Voltaire de ses textes, des lettres philosophiques notamment, et d'autres textes encore. Alors l'histoire que je vais raconter ce soir commence, je l'ai dit, en 1734. Voltaire a 40 ans, c'est l'année des lettres philosophiques. Mais jusqu'à cette date, quelle a été sa trajectoire intellectuelle ? Sa trajectoire intellectuelle est une trajectoire relativement classique à l'époque. Il s'est d'abord fait connaître au théâtre en 1718 en produisant une tragédie, Œdipe, et on pensait qu'il n'y aurait plus de grands tragédiens. Après Racine, il y avait certes eu Crébillon père, mais enfin Voltaire apparaît sur la scène de la Comédie française et renouvelle le genre théâtral, renouvelle le genre de la tragédie. Donc, c'est un écrivain connu, non plus comme poète et auteur dramatique que comme philosophe encore, mais il a déjà, je l'ai dit, eu pas mal maille à partir avec le pouvoir, d'abord avec sa famille, son père, et puis le pouvoir, la censure. Avec toute forme de pouvoir, avec le pouvoir paternel effectivement, avec le pouvoir religieux peut-on dire, même s'il avait beaucoup d'affection pour ses maîtres jésuites, Louis le Grand, et puis avec le régent Philippe d'Orléans, vous savez qu'il avait écrit quelques poèmes satiriques contre le régent. Le régent l'a d'abord traité un petit peu de manière amusée. Hein. À la deuxième fois, toutefois, il l'envoie passer quelques mois à la Bastille. Et ce logement rafraîchissant n'était pas pour plaire à un Voltaire épris de liberté, bien entendu. C'est lui d'ailleurs qui invente le mot embastillé. C'est lui qui invente le mot embastillé et il ne souhaite pas d'ailleurs se faire embastiller de nouveau. Ce sera une crainte qui le poursuivra longtemps durant toute sa vie. Et il y a cette fameuse bastonnade qui est un moment aussi très très fort dans la vie de Voltaire, une humiliation. Il est ramené à ce moment-là à sa condition de roturier aussi. Alors c'est non pas tant la bastonnade elle-même, le chevalier de Rohan fait bastonner Voltaire par ses valets. Parce qu'il a eu un mot insolent. Il a eu un mot insolent à son égard, dans les couloirs de l'opéra. Et Voltaire tente d'ameuter tout Paris pour venir à sa rescousse. Or, et c'est là que le scandale intervient pour lui. On lui dit oui, bien entendu, il a tort, on ne fait pas cela. Mais on refuse de lui venir en aide. Et là, il comprend véritablement le problème de rang dans la société qui est celui de l'époque. Il est effectivement roturier, il est relativement pauvre, il n'a d'autre pouvoir que celui de l'esprit. Il faut donc qu'il acquiert une véritable fortune, il faut qu'il se donne les moyens de sa liberté et d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Le moyen de sa liberté, c'est son indépendance économique. C'est ce qui en fait aussi un intellectuel, ce qui est nouveau pour l'époque. Il va opérer dans deux directions. Celle d'abord de son indépendance économique, effectivement, avec notamment les frères Paris, banquiers à l'époque. Et puis également, il va tenter de séduire le pouvoir en place, séduire les grands. Et il commettra un peu plus tard un impair avec Louis XV qui le fera basculer de nouveau du côté de ceux qui sont méprisés pour leur appartenance à la roture. Ah, c'est aussi à cette époque, donc je parle des années 1728-1733, qu'il rencontre Émilie du Châtelet. Qui est cette femme ? C'est une femme qu'il avait déjà connue, si l'on peut dire, puisqu'en 1714, il avait fait la connaissance de son père. C'est une jeune fille qui est de bonne famille, pas très fortunée, et qui a reçu surtout une éducation tout à fait atypique pour l'époque, en ce sens qu'elle a appris véritablement les belles lettres, les sciences, et qu'elle est douée de manière tout à fait intéressante sur le plan intellectuel. Oui, Voltaire s'en rend compte tout de suite. Oui, elle a été élevée comme ses frères, elle a étudié le latin, l'anglais, les mathématiques, la métaphysique, et tout elle rencontre une sorte d'alter ego dans Voltaire. Plus même qu'un alter ego, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir l'un de l'autre immédiatement, dès leur première rencontre, ils vont comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre sur le plan intellectuel, sur le plan de la répartie, car Voltaire aime avoir affaire à quelqu'un qui lui répond, qui lui réplique. On est tout à fait dans l'art du théâtre, hein, bien entendu. Il faut quelqu'un qui donne la réplique. Émilie est parfaite pour cela. Elle va même lui donner la réplique peut-être un peu plus fortement qu'il ne l'espérait au départ. Quant à Voltaire, il va nourrir ses ambitions intellectuelles d'un véritable soubassement philosophique. Alors, en quoi consistent ces lettres philosophiques donc, qui vont le mettre à nouveau dans le viseur de la censure ? Dans lettres philosophiques, il y a philosophique. C'est déjà quelque chose de dangereux. Mais les lettres philosophiques sont des lettres qui ont été écrites en Angleterre et il a beaucoup admiré la manière dont les Anglais vivent, la constitution anglaise qui permet au roi en particulier d'avoir un pouvoir limité, au peuple de s'exprimer. Et ce qu'il admire, c'est la liberté économique des Anglais, ce qu'on appellera dans un terme générique le libéralisme, et qu'il tente évidemment de vanter dans les lettres philosophiques. Et puis, la liberté religieuse aussi. Et voilà, et bien sûr. C'est d'ailleurs sur cet article de la liberté religieuse et de la manière dont la religion est conçue en France que ces problèmes vont survenir. Alors François Jacob, je propose qu'on se retrouve dans environ 30 minutes. Tout de suite, Voltaire et Émilie du Châtelet, une leçon de bonheur, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Pascal II. Trahi. Comment se fait-il que mon livre ait été mis en vente à Paris ? Les lettres philosophiques signées V, autant écrire Voltaire en toutes lettres. Qui a fait cela ? Mon éditeur ? Si c'est lui, je l'ai triperai. Oh, quel désastre ! Le garde des Sceaux va se déchaîner contre moi. Les dévots m'accusent d'être un athée. Les autres de m'en prendre au roi. Et le reste de l'humanité me persécute par oui-dire. Dans quel temps vivons-nous donc ? Ce siècle est philosophe. Mais on brûlerait Jean de La Fontaine aujourd'hui. Par chance, je ne suis pas à Paris. Ce mariage tombe à pic. Je n'ai pas le cœur à la fête. De retour à Paris, que vais-je faire ? Batailler contre le garde des Sceaux ? Il me démolira. Je ne retournerai pas à la Bastille, ça, jamais. Ah, la liberté. J'étais si bien ici, au fin fond du Morvan, à fêter le mariage de mon ami le plus cher, auprès de celle que j'aime. Que de soucis. au moment où je suis le plus heureux de ma vie. Je croyais que j'étais mort à l'amour, mort au plaisir, et puis elle est venue. Émilie, quelle beauté, quel esprit. Où est-elle? Je l'ai vue sortir dans le parc, la serrer dans mes bras et que le monde disparaisse. Ah, la voilà. Mai 1734, au château de Montjeu, près d'Autun, Voltaire assiste au mariage d'Élisabeth de Guise avec le duc de Richelieu, un lointain descendant du cardinal. Voltaire est témoin du duc, un de ses plus fidèles amis. Il n'en a pas beaucoup. Voilà 5 ans qu'il est revenu de son exil en Angleterre. Il vient d'écrire les lettres philosophiques. Il s'apprêtait à les publier, mais la censure royale a interdit la parution du livre. Voltaire sait ce qu'il risque à l'enfreindre. Le cachot, au pire, le bannissement sans retour. Il a donc remis 1500 francs à son éditeur pour qu'il ne publie rien. Mais celui-ci s'est empressé de le faire dès que Voltaire a eu le dos tourné, absent de Paris pour le mariage. Au milieu des invités, Voltaire s'avance d'un pas vif. Il a 40 ans, un visage au trait fin, grand, maigre, élégant dans sa veste de velours vert ajustée. Il a fière allure et ne baisse jamais les yeux. Émilie! Voltaire! Oh, ce rire! Émilie, vous m'ennuyez. Que voulez-vous dire? Ce que je dis. Oh, moi, vous ennuyez? Moi qui vous aime de toute ma tendresse. Restez! De toute mon âme! Vous avez l'air lugubre. C'est de ne pas vous avoir pour moi uniquement. Jaloux. Je suis fou de toi, comme égaré. J'aimerais que tu me prennes par le cou et m'embrasses en public, comme la première fois au jardin du Palais Royal. À cet instant, j'ai su de quoi est fait le bonheur. Partons. Fuyons dans quelque désert où je serai l'unique objet de tes regards. L'unique. Voltaire, la nature nous a donné si peu de portes par où faire entrer le plaisir. Pourquoi n'en ouvrir qu'une ? Tous les deux seuls, vers une campagne perdue. Dans quelque chambre secrète, où je dénouerai chaque jour plus lentement les rubans de ta chevelure. Je serai heureuse du plaisir de faire votre bonheur, cher philosophe. Mais quitter Paris, les dîners, le théâtre, rien que l'idée me terrifie, je vous l'ai déjà dit. Venez, on doit nous chercher. Émilie du Châtelet sourit dans sa robe de satin bleu pastel. Ses yeux verts illuminent son visage. Elle a relevé ses longs cheveux noirs et des boucles lui retombent dans le cou. Elle prend le bras de Voltaire. Il a 40 ans et elle 28. Ils se sont rencontrés à l'opéra il y a 1 an, en mai 1733. Un éblouissement intellectuel et charnel réciproque. Très vite, ils ont été amants, depuis ils ne se quittent plus. Voltaire voudrait vivre avec elle, mais elle n'a pas encore tout à fait arrêté son jugement sur lui. Ils sont venus ensemble au mariage du duc de Richelieu. Le feu d'artifice achevé, les invités prennent congé. Émilie entraîne Voltaire à travers le parc vers le château. Regardez, sur la terrasse, enlacés si amoureusement, là, les mariés. Allons les rejoindre. Vous avez l'air soucieux, Voltaire. Votre désinvolture, sans doute. Ou de nouveaux ennuis. Ce serait une preuve de confiance si vous m'en parliez. Ah, Émilie, on vous cherchait partout. Oh, menteur. Voltaire, du café. Avec plaisir, oui. Ah, Richelieu, je m'en suis donné du mal pour vous voir marier tous les deux. Une véritable intrigue de comédie. J'ai mis du cœur à l'ouvrage pour conduire cette affaire. Et il en fallait. Une héritière de la famille de Guise comme toi, Élisabeth, épousant un vigneron du Plessis. Qui plus est, un don juan de premier ordre. Vous êtes exquise. Oh là là là là. Ne vous aimez pas trop, c'est le plus sûr moyen de vous aimer toujours. Tous les invités sont partis. On va enfin arrêter de manger. 4 jours de potage, rôti et entremets, oh, le cœur me tourne. Dès que je serai à Paris, je ferai une diète. Ma chère femme, je dois vous dire... Ma chère femme, il faut y croire, je suis mariée. Un contrat, un prêtre, un oui, 3 mots de latin, à jamais change vos destins. Si on jouait au loto. Ah oui. Le jeu est comme l'amour, l'espérance, la crainte. L'âme aime à frémir. Cela lui fait sentir l'émotion d'exister. Allons-y. L'espérance, la crainte. Oh, Émilie. Dis-moi ce qui te rend si sombre. Comme le dit ton cher Leibniz, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Tu railles ce philosophe que j'aime. Ma chère Elisabeth, il faut vous dire que je vais repartir à la guerre. À la guerre ? On m'appelle aux frontières d'Alsace, le camp de Philippsbourg, demain. Demain ? Et notre voyage de noces ? Richelieu, vous êtes d'une si savante cruauté, un véritable libertin. Elisabeth, qu'importe. Venez avec moi en Angleterre. Nous ferons de la physique avec des savants anglais. Nous serons des femmes de science et oublierons tous les maris du monde. Moi compris. Le service du roi avant tout, n'est-ce pas, mon cher ? Jouons. Faisons des paris. Émilie ? Non, je ne joue pas. Je vous regarde jouer. Je mets 5 jetons sur le numéro 2, le chiffre de l'amour, mon cher époux. Moi sur le 4, symbole de l'ordre. Voltaire ? Tout sur le 3, le chiffre du complot. Il faut une main innocente pour tirer. Elisabeth, à vous l'honneur. Un message pour monsieur de Voltaire, c'est vous ? Tenez. Ce mariage m'a épuisé. Je crois que je ne digère pas bien le sanglier. Longchamp, vous êtes un serviteur. Vous ne pouvez vous asseoir si je ne voulais pas ordonner. Laissez-le s'asseoir. Oh, ça, j'ai bien le droit de me reposer. Non, si je ne le veux pas. Oh, en vérité, votre mépris me révolte, madame. Une révolte ? Pourquoi pas une révolution ? Voltaire, vous ne dites rien. Le 3, je tirais le 3. Voltaire, vous avez gagné, j'ai encore perdu. Le sort s'acharne contre vous. Voltaire ? Que se passe-t-il, Voltaire ? La liberté que je préfère à tout. Dites-nous ce que contient ce message. On m'informe qu'une lettre de cachet a été délivrée contre moi. L'intendant de Dijon a ordre de se saisir du sieur Arouette de Voltaire et de le conduire en prison au nom du roi. Tant que vous êtes ici, au château de Montjeu, rien ne peut vous arriver. On ne vous fera pas arrêter chez moi. Vous arrêter ? Mais pourquoi ? Un ouvrage publié sans mon accord qui a mis en rage le censeur Elisabeth. Un tout petit livre de rien du tout, moitié frivole, moitié scientifique. Me faire coffrer pour un essai d'écolier. Rien n'explique un tel acharnement. J'ai fait l'éloge de l'Angleterre, pays de liberté. À quoi il m'a pris d'ajouter quelques lignes à la dernière minute où j'ose attaquer le grand Pascal. Ce misanthrope est la nature humaine. Il y a longtemps que j'avais envie de le moucher. Mais on ne peut déchirer la peau de Pascal sans faire saigner tout le christianisme. Allez à Genève, le temps de vous faire oublier. Oh, Voltaire ! Pourquoi n'arrêtez-vous pas votre plume ? Elle vous entraînera au fond du gouffre. Qu'est-ce qu'un homme de lettres qui ne prend pas le risque de la liberté ? Oui, j'affirme que l'Angleterre, où 30 religions vivent heureuses en paix, est une terre de tolérance. Que grâce au parlementarisme anglais, le prince ne peut pas faire tout le mal qu'il veut. Et que Newton est au-dessus de tous. Certes, il a appris aux hommes de son temps à raisonner, permettez-moi de me retirer quelques courriers urgents. Voltaire, il faut fuir. Pas d'inquiétude, ma chère. On me reproche d'attaquer Dieu et l'État. La sotte clameur des imbéciles va murmurer 8 jours... et passer à autre chose. Il y a un dessein formé de te perdre. Ils te feront mourir en prison. Fuis, je t'en prie. Je n'irai pas en prison. J'ai mieux à faire. Allez, viens dans mes bras. Fuis pour l'amour de moi. Mais non, je ne vais pas m'enfuir, tout apeuré. Ou un jour, Émilie, on sera bien honteux de m'avoir persécuté. Allez, viens, viens. Au même moment, à Paris, on brûle les lettres philosophiques de Voltaire au pied des escaliers du palais de justice. L'éditeur a été arrêté. Interrogé par la police, il a déclaré avoir mis en vente l'ouvrage sur ordre de Voltaire. C'est ce qui a motivé la lettre de cachet. Du château de Montjeu dans le Morvan, sous la protection du duc de Richelieu, Voltaire écrit à tous les gens influents de sa connaissance. Cherchant partout des appuis, il explique que cette publication s'est faite contre son gré. Rien n'y fait. Il finit par se rendre à l'évidence. Le 6 mai 1734, au petit matin, il prépare son cheval, décidé à s'en aller. La maréchaussée me cherche. Cette fois, je ne couperai pas au cachot. La Suisse n'est pas loin, j'y trouverai refuge. Voilà le jour. Rose, comme la joue de ma belle Émilie endormie, cheveux défaits sur l'oreiller. Quand la reverrai-je? À Londres, on trouve ce que j'écris si simple et ordinaire. Vraiment, je ne suis pas fait pour habiter la France. Il va falloir passer la douane, sortir mon passeport et ouvrir ma bourse. Tout se déchaîne contre moi. Ce monsieur le garde des Sceaux ne prend pas du tout cette affaire en philosophe. Il se fâche en ministre, et pire encore, en ministre vexé. Si j'avais orchestré cette édition, aurais-je été idiot au point de mettre mon nom en couverture? Je ne regrette pas une ligne de cet ouvrage. Il est triste de souffrir, mais plus dur encore de ne pouvoir penser avec une honnête liberté. Quelle mouche me pique à vouloir à toute force me fourrer dans les ennuis. Émilie a raison. Hasarder le repos de ma vie pour dire la vérité. Voltaire, où allez-vous comme ça, sans me dire adieu? Vous dormiez si joliment. Vous vous préoccupez de moi à présent? Arrêtez de railler. Madame la marquise du Châtelet, complice d'un scélérat. Si je l'ai décidé, vous allez à Genève? C'est à 6 ou 7 heures de cheval. Madame! Madame! Qui est là? C'est Longchamp. Il va t'accompagner dans un endroit sûr. J'ai fait prévenir, tout est en place. Tu pourras y rester tant que tu veux. Ben voilà, madame. Longchamp, désormais, vous serez au service de monsieur de Voltaire. Oh, ben, ça me voilà brimballé de l'un à l'autre comme si j'étais un paquet. De plus, celui-là est recherché par la police. Longchamp, ne faites pas d'histoire et attendez-nous dehors. Oh. La police ne vous cherchera pas là où il vous mène. Pourquoi fais-tu cela? Ce n'est rien. C'est le plus grand service imaginable et tu dis ce n'est rien? Rien que de l'amour. Je te déteste de ne jamais renoncer à écrire ce en quoi tu crois. Mais pour cela, je t'aime infiniment aussi. Me rejoindras-tu? Non. Pour ne pas éveiller les soupçons, je retourne à Paris. Je dirais que tu es en cure à Plombières. Je te perds à l'instant où je sens si fort le bonheur d'être aimé. Te savoir en sécurité, voilà ce qui fait mon bonheur. Ne dis à personne où tu es. Prudence, Voltaire. Adieu, Émilie. Personne en vue? Personne. Nous passerons par cette forêt là-bas pour nous dissimuler. Le jour est déjà bien levé. Et quoi, Longchamp? Où allons-nous? Chez monsieur et madame du Châtelet, au château de famille à Ciré, en Champagne. Chère Émilie. Quand j'étais si confortable chez monsieur le duc, quelle table! Ce sanglier! Oh. Longchamp, si vous ne voulez pas rester à mon service. Tout bien réfléchi, il me semble que je gagne au change. Le château de Ciret, en Champagne, demeure historique de la famille du Châtelet, est une bâtisse de pierre blanche entourée d'un grand parc de platanes et de cyprès bordé d'une rivière. Le marquis du Châtelet, l'époux d'Émilie, est un militaire désargenté. Émilie possède une fortune. En échange, le titre de marquise lui permet d'être reçue dans le cercle de la reine. En ce printemps 1734, c'est avec courtoisie que monsieur du Châtelet accueille Voltaire. À Ciret, toujours sous le coup de la lettre de cachet, il a échappé à la police du roi. Il est en sursis, mais peut écrire librement. Pour combien de temps encore? Un mois passe, puis deux. Monsieur du Châtelet héberge l'amant de sa femme, toujours d'aussi bonne grâce. Voltaire cherche à le dédommager de son hospitalité. Par de la spéculation financière, le philosophe s'est très tôt constitué un capital qui ne cesse de s'accumuler, le gage de sa liberté intellectuelle. Comme le château de Ciret tombe en ruine, l'été venant, Voltaire entreprend de grands travaux. En octobre 1734, les arbres du parc se parent de rouge et de jaune. 5 mois que Voltaire attend Émilie. tête dès l'aube. Me voilà dans le plâtras au milieu des maçons. Moi, l'amant. Voici des mois qu'elle m'a enfermé ici avec le mari et s'est amouraché à Paris d'un mathématicien. Et coincé ici, en Champagne, je bâtis un laboratoire de physique. Tout ça pour l'attirer dans ce désert et que la divine n'en parte plus. Enfin, c'est ce que j'espère. À 7h, elle est dans son logis de la rue Traversière à Paris, assise à son secrétaire. Un compas à la main, une feuille devant elle couverte de cercles et de droites. Au travail, sur les théories de Newton, ou dormant dans les bras de Maupertuis. Elle est aussi frivole que savante. Madame Pompon Newton, douce philosophe qui m'a abandonné. Monsieur Voltaire! Monsieur Duchâtelet demande à vous voir. Quand vous étiez au service de madame, il vous arrivait de frapper à la porte avant d'entrer? Oh, sans doute! Sinon, elle me remettait à ma place. Eh bien, faites de même pour moi. Essuyez ça, là. Vous, ce n'est pas du tout pareil. Vous m'avez nommé secrétaire. C'est généreux. Je vous remercie de votre considération, Longchamp. Mais je ne vois pas en quoi elle vous exempte de frapper avant d'entrer. Une question, monsieur Lupine. À quoi sert d'avoir toujours une plume à la main comme vous faites? Améliorer ce monde où nous gigotons quelques instants avant de retomber en poussière. Allumez un feu, je suis glacé. Améliorer ce monde. Ah, c'est bien vrai. Il y a autre chose. Ah oui, irons-nous à la messe? C'est dimanche. En une année, vous savez, on a brûlé mes livres et j'ai été excommunié de toutes les paroisses. Approchez le fauteuil de la cheminée. Quelle gloire! Ajoutez comme un sifflet au théâtre. N'est-ce point trop pour une année? Je leur pardonne. Tenez, vous posterez ces lettres. Quelles lettres? Sur la table. Qui a le plus de religion, Longchamp? Le calomniateur qui persécute ou le calomnié qui pardonne? Le second, sans hésiter. Je les posterai à Lunéville. Non, postez-les à Bâle. Oh non, c'est beaucoup trop loin. Je veux qu'on me croie réfugié en Suisse. Mais qui veut encore vous arrêter à présent? Si on vient à m'embastiller, craignez de l'être aussi. Allez, filez d'ici. À Bâle. Voltaire est toujours sous la menace d'une arrestation. À Paris, la pression ne s'est pas relâchée. Le garde des Sceaux s'acharne. Il a fait perquisitionner chez Voltaire à Paris et fait saisir ses papiers. Voltaire cherche à sortir de cette situation. Il rend visite à son ami Richelieu dans son campement militaire de Philippsbourg, à quelques kilomètres de Cirey. Sur ses conseils, il rédige une lettre de rétractation où il se dédie de son livre « Les lettres philosophiques ». Le duc de Richelieu et sa femme Élisabeth doivent venir à Cirey aujourd'hui pour prendre la lettre et la porter à Paris afin de tenter d'apaiser la colère du garde des Sceaux. Ah, maudite douleur au ventre. Une rétractation hypocrite. Voilà où j'en suis arrivé. Je n'ai point eu de part à l'édition de l'ouvrage. On a édité en mentionnant mon nom contre mon gré. Je désavoue sans aucune réserve tout ce qui peut y être de contraire au sentiment qu'un chrétien et un sujet fidèle peut avoir. Je me repens. Quelle sincérité. Quelle abnégation. Oui. C'est le marquis du Châtelet. Entrez. Voltaire, vous êtes un grand poète qui fait honneur au royaume. C'est le prince de Conti qui me l'a dit, je n'y connais rien. Cependant, vous avez bien mauvaise mine. Une petite inflammation des entrailles. Quel dommage. Cependant, je n'irai pas par quatre chemins. Vous devez partir de chez moi. Partir d'ici? C'est un ordre d'Émilie? Ma femme est d'une intelligence supérieure qui m'éblouit, elle ne m'informe point de ses décisions concernant ses amants. Mais je suis membre de l'armée royale, et vous êtes un hors-la-loi, monsieur. Vous le saviez dès le départ. Je ne pensais pas que cela durerait 6 mois. Ne vous ai-je pas bien remercié? Votre château était une ruine. J'en ai fait un palais, non ? Sans doute, sans doute. Et cela fait réfléchir. Il faut en parler à votre femme. Viendra-t-elle ? Elle a un grand talent et une soif de vivre équivalente. Sa dernière lettre dit qu'elle ne sera pas là de sitôt. Il y a des événements dans la vie qu'il faut souffrir sans murmure, comme la fièvre. S'il faut partir... Ah, ce ventre ! Attendez. Je m'en vais y réfléchir à deux fois. À plus tard. Me chasse, ce brave colonel. Pourquoi ne pas retourner à Londres ? J'y publierai librement. Tandis qu'elle sera à Paris. Pardieu, tous les courants d'air de Champagne passent par cette chambre. Émilie, sa joie, ses traits d'esprit, sa tendresse. Que de regrets. Seul dans ce château lugubre, unique comédien de mon propre théâtre. Tout s'en va. Même l'amour. À Paris, Émilie fréquente une société de bons vivants, spirituels, qui s'encanaillent dans les auberges avec de nobles manières. Elle s'est mise à l'étude des principes mathématiques de Newton. Elle a l'intention de les traduire en français, une grande ambition pour une femme de science. Pour ce faire, elle prend des cours de physique avec le célèbre mathématicien Maupertuis. Il est son amant. Voltaire n'ignore rien de sa vie aussi studieuse que turbulente. Il ne peut la rejoindre. Sans le respect dû à la maison des Duchâtelet, il y a longtemps qu'il aurait été arrêté. Au château de Cirey, ce jour d'octobre 1734, Voltaire attend le duc de Richelieu et son épouse. Ah, mes amis, Voltaire. Cher ami, on ne s'est pas revus depuis notre mariage. Si vous saviez, quelle joie de vous voir. Le duc et la duchesse de Richelieu, chez moi. Marquis du Châtelet, c'est un honneur. Tout l'honneur est pour moi. Elisabeth, vous êtes en beauté. Et toi, ta blessure ? Une blessure ? Ce n'est rien. Un duel. Mon cousin a déclaré que notre mariage était une mésalliance. Mon cher époux a dégainé et s'est blessé à la cuisse. Un soldat de sa trempe, il sera vite guéri. Entrez donc vous restaurer. Non, nous ne restons pas. Tu as écrit la rétractation. La voilà. Je la remettrai moi-même au garde des Sceaux. Je me repens, je me dédie. Regrets, remords, tout y est. Le procureur hochera la tête et dira « c'est un menteur ». Aucune importance. Il y fera quelques retouches et ça passera. Duc, ne vous fâchez pas, Voltaire. Duc, avez-vous des nouvelles de notre affaire ? De quoi s'agit-il ? Le marquis du Châtelet a demandé l'autorisation de vous héberger, officiellement. Au garde des Sceaux ? Il sait que je suis ici. Monsieur, le garde des Sceaux vous y autorisera dès qu'il aura reçu la rétractation que vous voyez ici. Puis-je vous poser une question, marquis ? Votre femme a toujours sauvé les apparences, non ? Il faudrait être fou pour s'en plaindre. Si Émilie revenait et vivait à Cirey avec Voltaire, ce serait comme deux amis très savants qui partagent leur savoir. C'est bien comme ça que vous le voyez, n'est-ce pas ? Un esprit tel que le vôtre, Voltaire, peut la satisfaire. Je ne veux que son bonheur, moi je n'aime que la guerre. Duc, duchesse, permettez, mon régiment est à 2 heures de route, je dois y être avant la nuit. Émilie a donc décidé de vivre ici, avec moi. Et elle t'envoie demander au mari de quel œil il verrait cela. Oui, elle veut s'assurer qu'il ne te chassera pas. Il a l'air de bien apprécier la restauration du château. À chaque fois que je le sens mollir, il faut un nouveau chantier. Ici des boiseries, là une bibliothèque. J'en suis à faire construire une aile supplémentaire au château. Si Émilie tarde trop, on surpassera Versailles. Alors vous ne restez pas. Nous n'avons pas le temps. Voltaire, croyez bien qu'Émilie se démène pour vous à Paris. Plaide votre cause en tout lieu. Vraiment ? Elle ne dort que 3 ou 4 heures par nuit à cause des principes mathématiques de Newton. Newton. Oh, Richelieu, nous autres, c'est souvent la vanité qui nous porte vers le savoir, ou même l'appât du gain. Une femme de science, seule la passion la détermine. C'est hautement estimable. Oui. Rendez-vous compte. Émilie sait faire de tête une division à 9 chiffres. Je l'envie. J'ai d'ailleurs demandé à Maupertuis des leçons de mathématiques. Il est certain que Maupertuis n'a pas son pareil pour apprendre à lever un nombre infini à une puissance donnée. La femme adorable que je connais me fait penser à bien autre chose qu'au prisme, sinus, tangente. Mon cher mari, dites simplement que vous n'y comprenez rien. Que de préjugés, Richelieu. On peut faire de la physique en étant femme et de la philosophie sans être aristocrate. Comme moi-même. La science n'est une question ni de sexe ni de condition. Ah, voilà du Châtelet qui s'en va. Un instant de passion vaut mieux que la physique tout entière. Quel lyrisme! Il est temps de partir. Je me charge de la rétractation, Voltaire. J'ai de l'influence à la cour. Adieu. Déjà? Quelle tristesse. Adieu, les amis. Adieu. Ainsi donc, elle envoie Richelieu porter tel terrain. Elle s'inquiète de mon sort. Ah, mon cœur, patience. Allons travailler. Ce livre, qu'est-ce qui m'a pris de le commencer? Le siècle de Louis XIV. Bien plus dangereux encore que les lettres philosophiques. Je m'en remets à la Providence. Le temps adoucira les choses. Monsieur! Monsieur! Longchamp, décidément. Vous n'êtes pas allé à Bâle? Madame est là. Madame? Madame du Châtelet? Elle dit qu'elle a été bien secouée par le voyage, mais qu'elle se porte fort bien. Et où est-elle? Dans le... Quoi? Dans les petits salons? Non, comment vous l'appelez? Ce cabinet pavé de marbre, tout carrelé de faïence. L'appartement de bain? Oui, j'y retourne. Je vous suis. Elle m'aime donc. Elle, si intelligente, si audacieuse. Ce qu'elle a fait pour moi dans l'indigne persécution. Moi qui n'ai peur ni des gardes des sceaux, ni des lettres de cachet. J'ai peur. C'est le jeu de l'amour. La crainte, l'espérance. De l'eau chaude, de l'eau chaude, s'il vous plaît. Elle est là. Quel tableau. Encore de l'eau chaude. Longchamp, une main sur les yeux, de l'autre versant l'eau brûlante d'un cruchon dans le bain où ma douce est nue comme une statue de marbre. Encore. Allez en chercher d'autres. Oh, monsieur. Elle est visible. Pour m'imposer ça, hein, comme si je n'existais pas. À laquelle n'a pas Dieu et fait à peine figure d'homme à ses yeux. Un automate. C'est révoltant. Voltaire. Venez vous asseoir sur le bord de la baignoire. Quelle bonne idée, cet appartement de bain. Il faudra mettre une fenêtre ici. Mais j'ai fait mettre une porte. L'escalier, on en fera une cheminée. Et de la cheminée, un escalier? Passez-moi le flacon de fleurs d'oranger. J'ai vu que vous avez planté des tilleuls dans l'allée. Je veux des ormes. Et si j'avais planté un potager, vous voudriez une rocaille? Vous me rendez si heureux. Voltaire, il est en notre pouvoir d'écarter les idées tristes et de leur en substituer d'agréables. C'est un des ressorts du bonheur. Mon amour, je repars à Paris avec vous. Non. Savon, s'il vous plaît. Je passerai ma vie à craindre pour vous. Le bonheur est impossible si on nage dans une mer d'incertitude. Allons en Angleterre. Non, écoutez-moi. Je ne veux pas passer mon temps à trembler de vous voir prendre la plume avec cette imprudence. Sans souci de l'église ni des censeurs. Mais je ne m'accoutume pas à vivre sans vous. Et Maupertuis? Il veut vérifier la théorie de Newton selon laquelle la Terre est aplatie au pôle et prépare une expédition en Laponie. N'en parlons plus. Je suis bien décidée. Je veux être une femme de science. Et vous, mon époux de cœur, restez à Ciré. Je reste aussi. J'ai commandé des thermomètres et des baromètres. Le cabinet de physique est presque achevé. Nous ferons toutes sortes d'expériences. Vous serez mon guide. Vous traduisez Newton. Ouf. Je newtoniste tant bien que mal. Il y a du plaisir à déchiffrer les ouvrages difficiles, mais parfois, on a envie de tout abandonner. De l'eau chaude, s'il vous plaît. Il n'existe aucun livre de physique complet en français. Newton est indispensable à la compréhension de l'univers. Mm-hmm. Vous traduirez Newton. Vous êtes le seul mathématicien français en capacité de le faire. Mm-hmm. Oui, je le ferai. C'est cela, être vertueux, faire tout ce qui contribue au bonheur de la société. Verser. Non, l'eau chaude, voyons. Pardon. En échange, vous arrêterez d'écrire des vers pour le théâtre. C'est indigne de vous. Mais j'ai fait construire exprès un petit théâtre dans les combles. Soit. Nous jouerons vos tragédies. Et après, nous mangerons des fricassés de poulet avec les doigts, à la chandelle. Ensuite, nous ferons la diète et nous lirons de la poésie chaque matin au réveil. Et nous nous aimerons. Nous étudierons aussi. Plus notre bonheur dépend de nous, plus il est assuré. L'étude, Voltaire, c'est elle qui nous rend libres, donc heureux. Ah oui. J'ai tellement pensé à notre vie, tous deux retirés ici. Quel plaisir je goûte entre vos bras. Il faut tâcher d'être heureux. Be quiet. À présent, Madame Pompon Newton, comme vous m'appelez. Oh. Non, ne dites pas non, je le sais. Pompon Newton va s'habiller. Sortez. Nous nous retrouverons après. Et pour longtemps. Oui. Oui. Pendant 15 ans, Voltaire et Émilie du Châtelet vont vivre ensemble à Cirey. Malgré bien des péripéties, seule la mort d'Émilie en 1749 rompra cet attachement. Plusieurs fois menacé, Voltaire ne devra son salut qu'à Émilie. Pour l'heure, ses démarches ont abouti. La lettre de cachet est levée en mars 1735. Pendant quelque temps, ils vont vivre en paix, au rythme de la cloche qui appelle pour les repas. Ils travaillent jour et nuit, chacun dans sa chambre, dans une émulation passionnée et produisent une œuvre considérable. Émilie du Châtelet traduit les principes mathématiques de Newton. Voltaire écrit de nombreux ouvrages, dont le siècle de Louis XIV, des tragédies comme la mort de César et le fameux Zadig. Ce jour d'octobre 1734, Voltaire en a la parfaite intuition. Émilie, je ne vis que par son âme. Son intelligence me fascine. Enfin, une compagne à ma mesure. Quelle autre femme serait capable de me conseiller dans mes travaux? Elle me donne la force de regarder tous les hommes comme mes frères. Qui n'aime pas l'humanité ne saurait aimer Dieu. Et cette confiance qu'elle a dans l'action humaine pour affranchir l'esprit de toute angoisse. Nous découvrirons des mondes. Nous serons des philosophes voluptueux. Jouer la tragédie le soir et retrouver Newton la nuit, le bonheur. La plus belle vengeance qu'on peut prendre de ceux qui nous haïssent, c'est d'être heureux et continuer à laisser courir sa plume en toute liberté. Allons, il faut me friser, me chausser, m'ajuster et ce soir chanter l'opéra. Elle est infatigable. Émilie, ma leçon de bonheur. Voltaire et Émilie du Châtelet, une leçon de bonheur de Christine Spianti avec Marc City, Voltaire, Marion Malenfant, Émilie du Châtelet, Cyril Botorel, le marquis du Châtelet, Valentin de Carbonnière, le duc Armand de Richelieu, Christine Braconnier, la duchesse Élisabeth de Richelieu, Dominique Parent, Sébastien Longchamp. Bruitage Sophie Bissens, prise de son, montage et mixage Olivier Dupré et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Sophie Pierre. Réalisation Pascal II. Dans quelques minutes, on poursuit la discussion sur Voltaire et sur Émilie du Châtelet avec mon invité François Jacob. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Kiki, 일어난 순간 그게 아니야 내가 뭘 할 줄 아냐고 내가 할 건 다 안다고 그게 아니야 그게 아니야 Bringing out the colors of me I feel so fine Making up for what you can't see I feel so fine Drink I'm Sipping On sur France Inter. Autant n'importe l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Kevin Pelot. François Jacob, nous avons donc quitté Voltaire alors qu'Émilie du Châtelet a décidé finalement de quitter Paris et de le rejoindre au château de Cirey. Est-ce qu'on peut dire que les années qu'ils vont passer ensemble là, dans ce château, sont les plus belles de leur vie? Incontestablement. Ils étaient faits l'un pour l'autre. D'abord, sur le plan physique, Voltaire est un amant incomparable, on le sait, et Madame du Châtelet se dit elle-même insatiable. Ils s'aiment passionnément. Sur le plan intellectuel, ensuite, ils sont faits pour s'entendre, et puis également, ils s'entendent parfaitement sur le plan, j'utilise un anachronisme volontairement, sur le plan social. Madame du Châtelet, la fiction l'a bien dit d'ailleurs, est très active à Paris pour tenter de venir en aide à Voltaire. Elle lui viendra en aide d'ailleurs jusqu'à la fin, jusqu'en 1749. Quant à Voltaire, il essaie d'améliorer le cadre de vie. Nous l'avons entendu avec ses maçons, ses charpentiers. Bref, ils étaient vraiment faits pour s'entendre. Oui, ils ont été heureux. Christine Spianti, donc, qui est l'auteur de la fiction, elle a intitulé Voltaire et Émilie du Châtelet une leçon de bonheur. Le bonheur, c'était un objectif important pour eux. D'ailleurs, Émilie du Châtelet a écrit un livre qui s'appelle Le discours sur le bonheur. En quoi consiste ce bonheur? À la fin du XXe siècle, c'est par le discours sur le bonheur que Madame du Châtelet a commencé d'être véritablement reconnue par la communauté 18e-iste. C'est l'un des premiers livres d'elle qu'on a publié. Avant ses écrits scientifiques. Avant ses écrits scientifiques. Oui, parce que pendant très longtemps, 19e, 20e siècle, on la considérait uniquement comme la maîtresse de Voltaire et ses textes. C'est bien pire, c'est bien pire. Non seulement on la considérait comme la maîtresse, c'est pire, mais oui, car non seulement on la considérait comme la maîtresse de Voltaire, mais on soupçonnait que Voltaire était le véritable intellectuel et qu'elle ne faisait que suivre finalement des intuitions qui étaient les siennes. Ce n'est pas vrai, on le sait aujourd'hui. Oui, parce qu'on a retrouvé, paraît-il, des textes d'elle dans une caisse, dans un grenier, il y a, je crois que c'était en 2012, et une caisse énorme avec tous ses écrits. Alors, tous les manuscrits de travail de Madame du Châtelet ont effectivement été retrouvés, ont fait l'objet d'ailleurs d'une vente publique, et on a pu voir à cette occasion que Madame du Châtelet était véritablement la femme de science que tout le monde soupçonnait déjà depuis quelques temps. Et on a même dit que peut-être certains textes de Voltaire auraient été coécrits avec Émilie du Châtelet. Est-ce que c'est possible ? Non seulement certains textes de physique, mais certains textes même philosophiques. Je pense au traité de métaphysique, je pense au principe de Newton. Bref, il y a là effectivement une catégorie de textes qui, sans aller jusqu'à dire qu'ils font partie d'une écriture commune, témoignent d'une conversation incessante entre l'un et l'autre. Il y a un personnage intéressant aussi dans cette histoire, c'est le mari quand même, le mari d'Émilie du Châtelet. On est très loin d'une morale bourgeoise du 19e siècle. Voilà, il accepte que sa femme ait des amants et qui viennent à la maison et lui, pendant ce temps-là, oui, je vous rassure, il vit sa vie, voilà. Oui, c'est un mariage qui, bon, c'est assez courant au 18e siècle finalement. C'est assez courant. On en fera d'ailleurs de longs développements dans des romans libertins à la fin du siècle. c'est une chose tout à fait courante. Ah, qu'est-ce qui va séparer Voltaire et Émilie du Châtelet ? C'est la mort d'Émilie du Châtelet ? Non, il va y avoir plusieurs motifs de séparation qui interviendront pendant leur relation. Il y a trois motifs, on va dire. D'abord, des rivalités. Il y a Maupertuis, dont nous avons entendu le nom pendant la fiction. Il y a ensuite Frédéric II, qui va bientôt faire son apparition. C'est encore le prince royal de Prusse. Il ne sera Frédéric II qu'en 1740. Mais il tente d'attirer Voltaire à lui, de l'arracher à l'influence de Madame du Châtelet. Et puis, il y aura Madame Denis, nièce de Voltaire. La nièce et amante et future amante de Voltaire, qui va terminer, enfin, terminer est un mot. Elle sera dans son lit, effectivement, dès le séjour lillois de Voltaire, donc quelques années après avoir connu ou retrouvé Madame du Châtelet. Madame Denis est effectivement une rivale potentielle. Madame du Châtelet le comprend très vite. Et troisième motif ? Le troisième motif, ce sont les ambitions de Voltaire, les ambitions parisiennes, qui finalement d'abord arrangent Madame du Châtelet, elle l'aide beaucoup, mais qui finalement l'effraie complètement, car Voltaire se met, et la fiction en a bien rendu compte, dans des situations, dans des postures éminemment dangereuses. Oui, elle tente de l'en prévenir d'ailleurs. Exactement. Donc Voltaire va vivre beaucoup plus longtemps. Il sera toujours pourchassé par la censure. Il va vivre en Suisse, à Ferney. Il sera pourchassé, mais pas seulement par la censure. Il va déjouer les pièges de la censure en organisant lui-même des campagnes d'édition tout à fait retentissantes. Pour vous prendre un seul exemple, il va parfois organiser lui-même la contrefaçon de ses œuvres. C'est-à-dire, il va demander à des libraires de publier des éditions non autorisées de ses œuvres de façon à créer des concurrences et à faire parler de ses œuvres. Il va déjouer la censure. C'est plutôt le pouvoir religieux qui s'oppose à lui. Bien plus que la censure de ses œuvres, il s'agit vraiment... Et ça sera jusqu'à la fin de sa vie, ça. Oui, ça sera jusqu'à la fin de sa vie et même après sa vie, puisque vous savez que son cadavre va être enterré discrètement à l'abbaye de Sellières par son neveu, l'abbé Mignot, alors qu'on voulait s'en saisir pour le jeter à la voirie, comme il avait été fait jadis, du cadavre de la tragédienne Adrienne Lecouvreur. Et de Molière aussi. Et bien sûr, c'est une tradition. Aujourd'hui, avec la montée des fanatismes religieux, politiques, est-ce que les Français auraient négligé l'enseignement de Voltaire ? Je ne sais pas s'ils l'ont négligé, mais ils l'ont peut-être mal compris. En ce sens que Voltaire disait dans les Lettres philosophiques « Le nombre de ceux qui pensent est excessivement petit ». Mais cela ne s'avise pas de troubler le monde. Eh bien, voilà la réponse de Voltaire. C'est ce que nous appelons aujourd'hui, qui n'existait pas encore ainsi à l'époque, la culture qui peut permettre de déjouer tous les fanatismes. Il penser, ne s'agit pas de penser, écrire, réfléchir, discuter, communiquer. Et lire aussi. Qu'est-ce qu'il faut lire de Voltaire, à votre avis, pour, si on veut commencer Mais tout. Tout. Voilà, il faut tout lire. Les deux par ouvrages. Commencer par quoi? Alors commencer, je serais tenté de vous dire de commencer d'une part par picorer quelques articles du Dictionnaire philosophique, ah oui, qui est sans excellent. Doute l'une des œuvres les plus importantes du XVIIIe siècle, et de ne pas négliger d'aller voir le théâtre. Zahir, par exemple, vient d'être de nouveau publié en folio, donc facilement accessible, et le théâtre de Voltaire est plein de ressources à la fois philosophiques et littéraires. Et je conseille bien sûr la lecture de votre biographie, François Jacob, Voltaire, paru chez Gallimard en folio. Vous préparez également un autre livre, Voltaire après la nuit, sur la manière dont la 4e République a rejeté l'héritage voltairien. Sujet intéressant. Et je signale également l'excellente BD Voltaire amoureux de Clément Houbrery. Merci François Jacob. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous parlerai de Gustave Courbet, le peintre bien connu d'Un enterrement à Ornans ou de L'origine du monde. L'inventeur du réalisme en peinture est aussi celui qui s'engagea avec passion dans la Commune et eut la mauvaise idée de proposer aux communards de déboulonner la colonne Vendôme, symbole à leurs yeux de l'Empire. Une affaire qui, on le verra, le poursuivra toute sa vie. Gustave Courbet et la colonne Vendôme, c'est dimanche prochain dans Autant d'emporte l'histoire. Mais bien sûr, juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.